cours numéro 39. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. أخذنا في درسنا الأخير بعض الأبواب ومنها باب لا يقال السلام على الله. لماذا لا يقال؟ أي لا يجوز. C'est pas permis de dire السلام على الله. تفضل. بس من يزيد تفضل. لأن السلام أو الدعاء لذلك المخلوق المحتاج. قول السلام على الله دعاء. دعاء بماذا؟ quand on dit السلام على فلان c'est un دعاء. دعاء بماذا؟ أي c'est quoi le sens de السلام على فلان؟ نعم طلب السلامة والعافية لهذا الشخص أي qu'il ne soit pas touché par tel mal إلى آخره. والله سبحانه وتعالى يدعى ولا يدعى له. أي الله سبحانه وتعالى on doit lui demander, on doit pas demander pour lui لأنه il a besoin de personne. C'est le غني, c'est le حميد, c'est العزيز عز وجل. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله هو السلام. Cette parole السلام على الله c'est, on n'a pas le droit de la dire. لماذا؟ لأن فيها ما فيها par rapport au التوحيد. فلهذا المؤلف il l'a cité هنا. Ça c'est من الألفاظ qui في الحقيقة ça montre que celui qui dit هذا اللفظ doit le délaisser حتى توحيده يكمل بإذن الله عز وجل. كذلك قوله اللهم اغفر لي وشئت أو إن شئت plutôt. اللهم اغفر لي إن شئت فماذا؟ لماذا لا استاد الباب هنا؟ تفضل. كأنه إلى بابوزون أي هذا الدعاء il demande à Allah subhanahu wa ta'ala et s'il veut, fa il n'a pas besoin. وهذا فيه un manque de adab مع الله سبحانه وتعالى. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit هذا. كذلك نعم كأن هذا الشيء العظيم الكبير ف يستثني هو نعم يدي إن شئت فكأنه سي الله ببا فلا بأس. وهذا لا ينبغي ولا لا شك أن السوكي ديز إن شاء الله أبخي الدعاء أو إن شئت كنت يفون الدعاء كنت يدمون الله سبحانه وتعالى لا يقصدون هذا لكن سا أمبليك هذا. C'est pour ça que fermer les portes et s'écarter de هذه الألفاظ c'est مهم pour المحد. Et les autres أبواب سهلة. من يقرأ باب اليوم باب ما جاء في لو أحسنت. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في لو le fait de dire لو كذا فما حصل كذا أو لو كذا لحصل كذا أي si on n'aurait pas été à cet endroit مثلا فهي aurait pas eu telle chose ou si on aurait suivi un tel fa il ne serait pas passé telle chose. هذا هذه الكلمة لو Et vous avez remarqué que Cheikh al-Islam, il n'a pas cité de hukm. Il n'a pas dit, il n'a pas affirmé le fait de dire l'eau, c'est du shirk, ou c'est interdit, ou c'est permis. Il a cité hadal bab, thumma il a cité des adillah. Il a cité deux versets, min al-Qur'an al-Karim et al-Hadith. Limada li anna hadhihi al-mas'ala fiha tafsil. Ça dépend dans quel cas l'eau s'est utilisé. Ahyanan c'est haram et ahyanan c'est permis. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر وأن قول لو لا يجدي شيئا وهو يشعر بعدم الرضا بالقدر وهذا مخل بالتوحيد. Dans un cas, et c'est pour ça que Cheikh al-Islam il a cité هذا الباب هنا, أن هذا كما قال الشيخ يخل أو مخل بالتوحيد. Ça va diminuer le tawhid de هذا المؤمن. لماذا لأن فيه شيء من الاعتراض على القدر وعلى قضاء الله سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété, il a tout destiné. Fait le fait de dire l'eau, awwalan, c'est d'aucune utilité. Mathalan, wahed, il a fait un accident. Et il a cassé sa voiture. Wa yaqul, après cet accident, il regrette, et yaqul l'eau. Et si je ne serais pas parti dans cet endroit, ou j'aurais pas pris cette direction, ou si j'aurais pas suivi Foulem, j'aurais pas fait l'accident. Awwalan, c'est d'aucune utilité. Limada li anna, c'est passé. C'est passé. Et le fait de dire après, si, c'est d'aucune utilité. Lianna l'insan, quand il a pris cette direction, il connaît pas le raïb, il savait pas ce qui allait se passer. Donc là, chez Ali. Donc ça sert à rien de dire cette kalima viyad al-hal. Kadhalik. يشعر هذا الكلام بعدم الرضا بالقدر كما قال الشيخ حفظه الله. هي كأن الإنسان لا satisfait du قدر et il se plaint, وهذا لا يجوز. الإنسان في هذا الحال زي المصيبة يدي إن لله وإن إليه راجعون أو يدي قدر الله وما شاء فعل يدي الحمد لله على كل حال. Et beaucoup de دعاء في هذا الباب. Avec le dua, ça montre que son tawhid il est qawi. Il sait que Allah il a tout décrété. Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété avant de créer cet être humain où il irait dans tel endroit, il ferait tel accident. Ça s'est passé. Et pour l'avenir, l'insan, là, chaque fait des causes. Et même en faisant des causes, ahyanan, tu fais un accident, ahyanan, t'es touché par une maladie. Fala, la shay fi hada, l'insan yasbir. Amma midl hadi al-alfaz, ça fait beaucoup de mal aux mu'min. Avant de détailler al-hukm, نعم الشيخ سعدي رحمه الله إلى ستان كلام طيب نقرأ الأدلة قال وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا اعتراض على شرع الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالجهاد فهالنقض. أما penser que si عيادا بالله كما قال بعض المنافقين أنه si il ne serait pas parti dans tel ghazwa, dans tel endroit, un tel il n'aurait pas été tué, هذا c'est باطل. Et c'est très très grave. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص أن قول لو في الأمور المقدرة لا يجوز وهو من كلام المنافقين كما حصل في غزوة أحد لما ابتلى الله سبحانه وتعالى المؤمنين les croyants ils ont été éprouvés et certains d'entre eux ils sont morts. فبعض المنافقين ils ont dit مثل هذا الكلام لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا عيادا بالله. Alors que c'est Allah qui a qadar. Et ceux qui sont morts, ils sont fait khayr azim. فمنزلة الشهداء معروفة في الكتاب وفي السنة أن الله سبحانه وتعالى leur a réservé une récompense énorme. فالحمد لله. C'était écrit pour eux qu'ils allaient mourir et tout le monde va mourir. Et هم ceux qui meurent في سبيل الله ils ont une très bonne fin. Normalement, on doit les envier. أما se plaindre, هذا من صفات المنافقين عيدا بالله. قال وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فتأمل حال هؤلاء أنهم قعدوا أي ils ne se rendaient pas au jihad, ils faisaient tout pour ne pas se rendre et trouvaient des excuses et prétendaient des choses. إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. Comme dans Sourate Al-Ahzab, ils prétendaient beaucoup de choses, Al-Munafiqoun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité beaucoup de ses excuses dans Sourate Al-Ahzab. Et ma'ahada, quand Al-Mu'minoun font des efforts et ils vont au jihad ou d'autres ibadat, Al-Munafiqoun, da'iman, ils ont ce genre de phrases pour démotiver. Les ma'ahada, les annahum fil asla, ils pensent qu'à dunya. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا أي si nous aurait obéi ما قتلوا عيادا بالله. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. La mort elle te touchera où que tu sois. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في شرحه فدل هذا على أنه لا يجوز استعمالها عند معارضة القدر في مرض أو هزيمة أو نحو ذلك. أما لفت دجر لو سي في معارضة القدر كم دون سو فيرس هذا لا شك سي حرام se plaindre et si je n'aurais pas été dans tel endroit il n'y aurait pas eu telle chose. هذا في الحقيقة c'est une contradiction au قدر clair معارضة. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى fait ce qu'il veut. أما le fait de penser si j'aurais pas fait telle chose j'aurais pas eu telle chose أين القدر كأن c'est الإنسان qui décide عيادا بالله. Et c'est ça qui est grave هنا. قال وإن هذا من شأن المنافقين لأن قدر الله ماض وشأنه نافذ وإنما شرع الله وإنما شرع الأسباب لحكمة بالغة. Donc en tant que مؤمن نؤمن بالقدر et on croit au destin et كذلك on fait des efforts في الأسباب. Et une fois que la chose elle est passée ça sert à rien de se plaindre, ça sert à rien de dire لو, ça sert à rien d'ouvrir les portes à الشيطان pour qu'il nous fasse du mal. C'est passé, on fait les أسباب pour les choses qui arrivent, pour les choses présentes. Mais ce qui est passé tire-en des leçons. Et si tu dois faire une chose semblable fais les causes. Et si tu dois t'améliorer améliore-toi. Mais se plaindre et si on n'aurait pas fait ce kada, il n'y aurait pas eu kada, tout ça c'est haramun. قال رحمة الله عليه فعلى المسلم أن يتعاطى الأسباب فإذا نزل القضاء فليس له أن يعترض بعد ذلك. Vous avez remarqué qu'il y a deux étapes. Tu fais les أسباب pour le présent et les choses à venir, بإذن الله عز وجل. مثلا, tu comptes voyager, tu te prépares, tu comptes aller au masjid, tu te prépares, tu comptes sortir et il fait froid, enfin tu t'habilles pour pas tomber malade, il a akhiré. Même une chaîne, il a des asbab. Et une fois que la chose allait passer, maintenant tu es tombé malade, qatar Allahu ma sha'a. Ça sert à rien là aussi j'aurais. Ça sert à rien, ça te fait que du mal. Ça fait que du mal à ton corps, à ton cœur. انتهى كلام الشيخ. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. حديث عظيم إليه في الصحيح مسلم. احرص على ما ينفعك. Ça, ça nous montre le fait de faire l'asbab. احرص على ما ينفعك. Si quelque chose est utile pour toi في دينك أو في دنياك فالحرص والاجتهاد والجد. أما الإنسان il se repose sur ses acquis أو عيادا بالله يقول c'est le قدر il fait aucun effort هذا c'est haram. لماذا؟ لأن الله il a légiféré des choses. On doit faire certaines choses pour avoir des choses. Donc, on doit les faire autant qu'on peut. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. Ça nous montre أن même si on fait des efforts, فالأمر il est بيد الله. Et on ne pourra pas arriver à cette chose. هذه المنفعة. المنفعة ما ينفعك, c'est quelque chose d'utile. Ça peut être pour ton dîn, ça peut être pour ta dunya. إلا بإذن الله. فلابد من الاستعانة واستعن بالله. Ça nous montre qu'on ne doit pas se reposer sur nos acquis, sur notre intelligence, sur nos forces, sur notre argent. لا. استعن بالله. Si Allah t'aide, tu réussiras. Si Allah subhanahu wa ta'ala te laisse, tu n'y arriveras pas. لماذا؟ لأن الله fait ce qu'il veut. عز وجل. ولا تعجزن. Aïe, tu fais des efforts et ne désespère pas. Tawakkal ala Allah. Tawakkal ala Allah et sache que si c'est du khayr, fa Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité pour ses ibad. Amma, wahad qui se rabaisse da'iman, qui se plaint, qui ne fait pas d'efforts, qui remet toujours la faute sur les autres, hada, il se fera beaucoup de mal. Beaucoup de khayr, il n'arrivera pas à l'avoir. Limada, li'annahu, il se rabaisse lui-même. فالنبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit هذا. Fais des efforts. Si ولله الحمد des مؤمنون ils arrivent à faire الصلاة à l'heure, فأنت كذلك, tu feras الصلاة à l'heure بإذن الله عز وجل. أما البعض لا, ils se rabaissent, ils laissent الشيطان leur faire du mal. أنا je peux pas, moi je n'arrive pas, إلى آخر من هذا الباب. لا, fais des أسباب. Si Allah il l'a légiféré, c'est que tu peux. Bien sûr, dans certains cas, certaines choses qu'on ne peut pas. Matalan wahid, il ne peut pas faire salat debout. Il a des problèmes. Fais salat assis, akhil karim. Allah subhanahu wa ta'ala, karimun. Amma, se rabaisser et se mettre des obstacles à soi-même, ça fait beaucoup de mal. Wa kam minan nas, à cause de al-wasawis, waqi'un fi hadha. Thumma qal, wa in asabaka shi'un, fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha. Si tu es touché par quelque chose, par une maladie, par la pauvreté, par une épreuve, par une injustice, fala taqul law anni, si j'aurais fait kadha, ma tadri. Tu sais pas, hada, peut-être que tu aurais fait cette chose, ça aurait été pire. Peut-être que tu aurais fait cette chose, ça aurait pas amélioré. Peut-être que c'est une autre chose qui aurait changé. Al-Muhim, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Vu que c'est passé, autruk. Autruk et améliore-toi sur le présent et fais des efforts pour le futur et demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Mais vous avez remarqué que le ba'd vivent toujours dans le passé. Deux maladies. Iyadan billah wa nas'alullah al-afiyah. Le ba'd vivent souvent dans le passé. Toujours il revient en arrière. Mais si on aurait fait mekada, deuxième maladie qui fait beaucoup de mal aux mu'mines, mettre la faute sur les autres. Le naqs vient de lui, les problèmes viennent de lui. C'est un tel, c'est de la faute d'un tel, c'est un tel qu'a dit, au lieu de s'améliorer. Anta akhil karim, si tu veux le khair, fais des efforts sur toi-même et ne regarde pas d'aïman derrière. Là, si tu as fait des efforts dans le passé, fais tawba. Si c'est quelque chose, c'est pas un péché, matériel, un accident, une maladie, enfin, pas besoin de si j'aurais fait, ça change rien, c'est passé, c'est fait. Au contraire. Ihmadillah subhanahu wa ta'ala, sois satisfait de ta situation, la'alla tu es récompensé. Yann al-Muslim, s'il est éprouvé, il est récompensé. Kama ja'a fi ahadith kathira. Hatta shawka, hatta une épine qui pénètre dans son pied, fa bi'idnillahi azza wa jal, c'est des récompenses. Au takfir de nous. C'est des péchés qui sont pardonnés pour ce mu'min. Fahtasib la'ajr. Amma la'a l'utilité de dire. Si j'aurais fait, si on aurait fait, on n'aurait pas attrapé froid, si on aurait fermé la porte, si on ne serait pas parti dans tel endroit. L'imad, ça sert à quoi? Là, ça sert à rien de parler beaucoup. Al-insan, si cette situation elle se représente et il a manqué un sabab sahih, un sabab mashrou', un sabab mubah, et la même situation elle se représente face à lui, fais les asbab. Mais ce qui est passé, délaisse. Si c'est un dhamb, fais tawba. قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل توحيد هذا حال المؤمن الموحد انه quand il se passe quelque chose قدر الله وما شاء فعل لماذا لان هذا المؤمن son cœur il est rempli de tawhid il sait que c'est tout Allah qui a écrit que Allah il a tout écrit il sait que cette chose c'est bi mashi'atillah si elle s'est passée vu que c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette chose qui s'est passée, c'est Allah qui a voulu. Et c'est Allah qui a décidé que ça se passe. Enfin, on dit, قَدْرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ عَلِيَ اللَّهِ لَيُنْ حِكْمَ عَظِيمًا قَالَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحَ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Mais si on dit, لَوْ s'ouvre une porte à Shaitan, les regrets, tu perdras ton temps, ça va t'affaiblir, tu feras plus d'efforts, tu vas te plaindre, tu vas perdre des hasanat, du ism, des péchés à cause du fait de se plaindre, de se lamenter. Et Shaitan, c'est ce qu'il veut. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان في عانة المستفيد إذا أرجعت هذا إلى غير القضاء والقدر دخل الشيطان. Et si c'est passé quelque chose et tu dis pas قدر الله وما شاء فعل كذلك. Et هنا c'est une نصيحة لنفسي ولإخواني, c'est que ce genre de alfad, ce genre de dua, ce genre de dhikr, on les cite pas avec la langue فقط. قدر الله وما شاء فعل ثم on se plaint vers un tel et un tel. لا قدر الله وما شاء فعل المعاني العظيمة قدر الله, et c'est Allah qui a tout décrété. وما شاء فعل, c'est Allah qui a voulu, et s'il veut une chose il l'a fait. كن فيكون, on le dit, on استسلم, et on accepte. Et là chaque celui qui le dit avec la langue et son cœur, il se plaindra pas et il avancera. قال وصار يوسوس لك ويلقي عليك الأوهام ويلقي عليك القلق النفسي. يا بعض الناس, ونسأل الله الشفاء لجميع المؤمنين, ils sont atteints par cette maladie الوساوس, et ça leur cause beaucoup de tristesse. أوهام, ils ont des doutes, la foi elle descend. لماذا؟ لأنهم دائما لو لو, ils vivent dans le passé au lieu de faire des efforts. يحرص على ما ينفعك واستعن بالله. فهم, ils sont دائما dans le passé, ou comme on a dit, ils regardent les autres. قال وتصبح في هم وغم وحزن. هذا حال كثير من الناس, angoissé, triste, toujours en train de réfléchir, toujours en train de vivre dans le passé et perdre leur temps au lieu de lire le Coran, au lieu de faire du dhikr. Ce qui s'est passé, en fait, alhamdulillah, si tu t'en rends compte, c'est sahle. On répète, si c'est quelque chose qui est lié au din, imma l'insan a fait un péché ou il a délaissé une obligation, fait tawbah. Wa tawbatu tadubu ma qablaha, tawbah le fastu, alhamdulillah. Si c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le din, quelque chose de dunya, ou tu as subi une injustice, ou une maladie, ou une perte d'argent, alhamdulillah, c'est passé. Même si on parle des heures, ça va changer. Maintenant, il a perdu un proche, et d'aïman, il se remémore. S'il aurait fait kada, s'il ne serait pas parti dans tel endroit, il n'aurait pas fait cet accident, il ne serait pas mort. Est-ce que, en parlant, ce proche, il va revenir? Là, donc ça ne sert à rien. Au lieu de perdre ton temps, fais-lui dua. Au lieu de perdre ton temps, regarde, est-ce qu'il a des dettes et paye-lui ses dettes, comme on l'a expliqué dans la kalima. S'il a des proches, prends soin d'eux. Et il est parti, il est parti. Et ça ne sert à rien. لو في هذا الحال قال أما إذا أغلقت هذا الباب قلت قضاء الله وقدره أو قدر الله وما شاء فعل فإنك تغلق باب الشيطان. Avec une phrase, خاصة celui qui l'a dit بعلم وإيمان واحتساب, tu fermes la porte à الشيطان. C'est passé, قدر الله وما شاء فعل, Allah il a une hikma et je peux plus rien changer. أنا là, je fais des efforts pour la suite. Allah amarana de faire des asbab. La prochaine fois, je verrai les causes. Deuxième cas, ça se repasse. Une chose, ça montre un insan, il a compris le tawhid et il le met en application. Et كذلك, مثل هذا الانسان, il n'aura pas tous ses problèmes, tous ses wasaous. Alhamdulillah, il est fi khayr. C'est hakada dunya. Des problèmes. Hatta l'insan yamoud. Mais celui qui ne veut pas de problème, fait qu'il fasse des efforts pour le jannah. Celui qui rentrera fil Jannah, khalas, il n'y a plus de problème. Il est fikhir pour l'éternité. Amma, avant de rentrer fil Jannah, c'est que des problèmes. Dans la tombe kadalik, dans Yawm al-Qiyamah kadalik, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala y facilite. Qala al-allam al-shir sa'di rahimahullah. Et kalamuhu il est muhim, li ma'adha li annahu, il a résumé al-hukm. Aïe, est-ce que c'est permis amla? Et avec ces adilla, on a compris que le fait de dire l'eau en se plaignant, ne pas être d'accord bi al-qadar, avec le destin, فلا شك انه c'est haram. قال اعلم ان استعمال العبد لفظة لو تقع على قسمين مذموم ومحمود. Deux cas, le fait de dire لو si, ça nous montre on ne fait pas l'erreur de certains. À chaque fois qu'on entend quelqu'un dire si, on lui dit là, dis pas si, ça ouvre les portes de shaitan. هذا c'est من الجهل. Ça dépend. احيانا tu dis si ou en arabe لو et ça ouvre pas les portes de shaitan. فلهذا التفصيل في المسائل et on a conseillé souvent, c'est très très important. حتى on dépasse pas les limites. لأن البعض بسبب الجهل ils ont entendu ou lu ce hadith, فإنَّ لَوْ تَفْتَعَ مَلِ الشَّيْطَانِ, ils pensent qu'à chaque fois que tu dis si c'est haram. Non. C'est pour ça que Cheikh Saadi rahimahullah il a cité les deux cas. Un cas c'est مذموم c'est haram et un cas c'est محمود ou مباح c'est permis. قال أما المذموم فكأن يقع منه أو عليه أمر لا يحبه فيقول لو أني فعلت كذا لكان كذا فهذا من عمل الشيطان لأن فيه محذورين. واحد il est touché par quelque chose qu'il n'aime pas. On peut prendre l'exemple d'un accident ou d'une maladie. ثم لا شك il n'est pas satisfait et يقول si j'aurais fait كذا il n'y aurait pas eu كذا. هذا c'est حرام. لماذا? Pour deux raisons. قال أحدهما أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغي له إغلاقه وليس فيه نفع كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله. Ça ouvre une porte et c'est le shaitan qui ouvrira cette porte على هذا العبد. Les regrets, الندم السخط الحزن, la tristesse, et il se plaint et il n'est pas d'accord. ربما اعتراض على قدر الله, et là c'est encore plus grave. لأن celui qui sait que tout est écrit, لماذا se plaindre? C'est passé. Ça nous montre أن avec le qadar, ce qui est passé, لماذا on doit se soumettre et pas à chercher à dire là ou oh, si j'aurais fait ça, لماذا? لأن c'est passé, tu ne peux plus faire les causes. C'est passé, tu ne peux pas faire les causes. Les causes c'est imma le présent, imma tu vas préparer quelque chose pour le futur. C'est ça les causes. فلهذا, dans le passé, tu n'as pas besoin de cause, donc tu fermes la porte. قال الذي ينبغي له إغلاقه. الإغلاق c'est fermé, on doit tous fermer cette porte que le shaitan il veut absolument ouvrir. وليس فيها نفع, et c'est d'aucune utilité. كما تقدم, qu'est-ce que ça va changer si tu dis لو? Ça aurait pu changer dans un cas si tu peux revenir en arrière. Même là qui n'ont pas revenir en arrière, abadan, personne ne revient en arrière. Sunnatullah subhanahu wa ta'ala, hikmatullah subhanahu wa ta'ala, l'insan il avance jour après jour, il ne peut pas revenir en arrière. Tant que ça ne sert à rien, il n'y a aucun œuvre. Deuxième cas, أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره فإن الأمور كلها والحوادث. الحوادث c'est ce qui arrive, ce qui arrive في هذا الكون, ما يحدث. Les accidents, le bon temps, le mauvais temps, Fulani meurt, Fulani tombe malade, Fulani subit une injustice. Ça, c'est des hawadith. Et ce qui se passe dans cet univers, في هذا الكون. قال دقيقها وجليلها. دقيق, c'est quelque chose de très petit. وجليلها, c'est quelque chose de immense, énorme. Tout ça, c'est بقضاء الله وقدر. قال وما وقع من الأمور فلا بد من وقوعه ولا يمكن رده. فكأن في قولي لو كان كذا أو لو فعلت كذا كان كذا نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره. هذا vu que tout est écrit, Allah il a décidé cette chose, elle s'est passée, فle fait de dire لو كأن الإنسان il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord avec ce que Allah il a décrété, et ça là c'est très très grave. فلهذا الإنسان il fait attention, et في الحقيقة pour ne pas la dire il faut travailler son mu'taqad. لأن كثيرا من الناس يديز هذا من المسلمين quand il arrive quelque chose ils disent là où ils se plaignent. لماذا? لأنهم ils ont un ضعف في باب القدر. C'est pour ça celui qui veut éviter ce péché de ne pas dire ce genre d'alphad, il doit travailler son tawhid, faire des efforts pour هذا القلب, ce cœur. C'est la seule solution مع الدعاء, demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve من هذا الشر. قال ولا ريب أن هذين الأمرين المحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما. Et c'est pour ça que Cheikh Al-Islam il a cité hadal bab. Il y en a celui qui veut parfaire que son tawhid soit qawi, il doit éviter ce genre de phrase et avoir cette pensée. Et se plaindre et ne pas être d'accord avec le qadar. قال واما المحمود من ذلك. On a fini le premier cas, le fait de dire là où c'est interdit. Deuxième cas, là où c'est permis, فإن يقولها العبد تمنيا للخير. هذا سي محمود, هذا سي طيب. أن يدي لو, لكن c'est pas pour se plaindre. أنه il est pas d'accord avec le قدر عيادا بالله. لا, il dit لو لماذا؟ لأن il espère faire du خير. مثلا لو si Allah subhanahu wa ta'ala il me laisse en vie, inshallah cette année je fais le hajj. Tu as dit لو, tu as dit si. فهنا لا شك بل سي محمود لأن توصى سي مشيئة الله عز وجل. C'est pour ça qu'en général on dit inshallah, لكن ça arrive qu'on va dire لو quand on parle en arabe ou si. ففي هذا الحال ما يا أوكان ما هذا دونك استفدنا أن c'est pas à chaque fois qu'on entend لو أنه c'est حرام. لا, قال كقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أهللت بالعمرة. نعم, النبي صلى الله عليه وسلم quand il a fait le hajj, il a espéré si une prochaine fois il ferait le hajj de commencer par une umrah ثم faire le hajj, c'est ce qu'on appelle hajj at-tamattu. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il a dit لو استقبلت من أمري, et si la prochaine fois j'ai l'occasion de refaire le hajj, je ferai de telle manière. Ça nous montre أن si on doit refaire une chose et on peut l'améliorer, corriger certaines choses, on fait des efforts. Mais vivre dans le passé, il n'y a aucune utilité. Sauf celui qui pense au passé pour ses zonoubes, il fait tawba. Mais là aussi, il a akhri, là, c'est d'aucune utilité. قال وقوله في الرجل المتمني للخير لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان ولو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبئهما أي في قصته مع الخضر. Ça c'est quelques hadith فيها لو, فيها لو et tout ça la base, tant que c'est pas pour se plaindre كما تقدم فلا مانع. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا من باب الخبر لا بأس. انفورمي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم انفورمي أن si aurait pas lui, أي لا شفاعة qu'il a faite auprès d'Allah سبحانه وتعالى, فسون oncle أبو طالب il serait au plus bas fond de l'enfer. لولا أنا, فإلى انفورمي أي النبي صلى الله عليه وسلم c'était السبب. هذا ما فيه بأس يا أكمل. قال وكما أن لو إذا قالها متمنيا للخير فهو محمود, فإذا قالها متمنيا للشر فهو مذموم, فاستعمال لو تكون بحسب حال الحامل عليها. C'est ça la conclusion. أن لو, ça dépend comment on emploie ce mot si. Si c'est في الخير فهو du خير, si c'est في الشر pour se plaindre كما تقدم les exemples qu'on a cités, فلا يجوز. قال إن حمل عليها الضجر. الضجر c'est le fait de se plaindre, le fait de s'en vouloir, il a akhri, ou le huzn, ou ضعف الإيمان بالقضاء والقدر, ou تمني الشر كان مذموما. Tous les exemples qu'on a cités. Et هذا, كما قال الشيخ, ça va pousser à la tristesse, à l'angoisse, à دائمًا s'en vouloir, ne plus avancer. قال وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا, ولهذا جعل المصنف الترجمة محتملة للأمرين. أي أن المصنف رحمه الله الوتر il a pas cité de حكم, il a pas dit أن اللو c'est du shirk ou c'est haram. لا, il a dit ما جاء في اللو, أي les cas qu'il a cité هو c'est haram, et pour te montrer أنه il y a d'autres cas, il a pas cité le حكم. Et الشراح, ce qui explique هذا الكتاب, il te montre أن certains cas فلا بس يا أكمل. وهذا الباب il est مهم, et vous avez remarqué que c'est toujours في الألفاظ. La fin de Kitab Tawhid, c'est sur les paroles qu'on prononce. Certaines paroles, fiha naqsun. وضعف par rapport au tawhid. C'est pour ça qu'il a cité tous ces abwab. نعم شيخ ابن عثيمين رحمه الله il a détaillé كثيرا في لو, il a cité plusieurs awjuh. Et في الحقيقة ça revient au kalam que Cheikh Saadi a cité رحمه الله, لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله il a beaucoup plus détaillé. Enfin, celui qui veut des fawaïd en plus في هذا القول المفيد de Cheikh ibn Uthaymeen. Il a cité un al-i'tirad al-shar' al-i'tirad al-qadr, tout ça c'est haram, la shak. كذلك استعمال في الاحتجاج بالقدر على المعصية, ça ça arrive عيادا بالله كما فعل المشركون. قال عز وجل عنهم en rapportant la parole des mouchriquins, قال سبحانه في القرآن لو شاء الله ما أشركنا. Vous avez remarqué, ils ont cité l'eau. Et si Allah, il aurait voulu, on n'aurait pas fait de shirk. والبعض disons, مثل هذه الشبع يدا بالله تشبها بهؤلاء المشركين. أنه il fait quelque chose, et vu qu'il sait que المؤمن il doit croire au qadr, فيقول si Allah, il aurait voulu, j'aurais pas fait cette chose. Et tout est écrit. هذا c'est haram. لأن avant de faire cette ma'asiyah, هذا العبد, il savait pas est-ce que c'était écrit. Il l'a su une fois qu'il l'a faite. فالموفق c'est avant de faire il se rappelle l'iqab et il délaisse, et quand il délaisse et il fait le khayr et il dit هذا c'est بقدر الله ويحمد الله, mais faire un péché ثم prétendre que c'est à cause du qadar, هذا عياذا بالله, c'est très très grave. Et c'est فعل المشركين أو من تشبه بهم. قال شون عثيمين وهذا باطل أي محرم التمني, espérer vouloir du khayr, فهذا طيب, si c'est du شر فسي حرام. Et كذلك في الخبر, on l'a cité, خبر المحض, informé d'une chose sans se plaindre. Maintenant tu dis si la voiture elle aurait été là, j'aurais fait telle chose. Maintenant si tu aurais emmené ta voiture هنا, j'aurais pu j'aurais emmené maintenant le sac ou tel carton pour le mettre dans la voiture. Est-ce qu'on va dire ne dis pas là où c'est haram? Là il informe, on a affiché. C'est une très grande différence, celui qui dit maintenant si on n'aurait pas été dans tel endroit, on n'aurait pas fait tel accident. On a été là donc à l'qadr. Vous voyez la différence, elle est claire. Et celui qui veut les détails, شرح شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمه الله باب النهي عن سب الريح. هذا الباب تقدم معنا باب كي غصب النهي عن سب الدهر, والشيخ سعدي نبه عن هذا, فنقرأ الحديث ثم نقرأ كلام الشيخ سعدي. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح, فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به, ونعوذ بك من شر هذه الريح والشر ما فيها والشر ما أمرت به. صححه الترمذي. نعم, في الحاشية قال أخرجه الترمذي وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع, وهكذا الشيخ مقبل رحمه الله صححه في الصحيح المسند. دونك الحديث للصحيح. قال الشيخ سعدي رحمه الله هذا نظير ما سبق في سب الدهر, فإن الله هو الدهر. Vous vous rappelez du hadith dans le chapitre l'interdiction d'insulter الدهر, أي le temps. هنا ça ressemble. قال إلا إن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر وهذا خاص بالريح. فلو بخومي باب سب الدهر النهي عن سب الدهر il englobe ce باب في الحقيقة. Que ça soit insulter le vent, que ça soit insulter la chaleur, que ça soit insulter le temps, que ça soit tout ça c'est haram. لماذا؟ لأن الله عز وجل c'est lui qui gère, c'est lui qui a créé ces choses. Donc on n'a pas insulté cette chose. لماذا؟ C'est Allah qui a voulu ces choses. عز وجل. هنا ce باب il est plus précis. سب الريح, insulter le vent. قال وهذا خاص بالريح ومع تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل والرأي. C'est haram comme تقدم معنا dans le باب. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam il a cité هذه الأبواب هنا, لأن الله c'est le خالق, c'est le مدبر لهذا الكون. Insulter ces choses c'est très très grave. C'est très très grave. C'est Allah qui a voulu cette chaleur. C'est Allah qui a voulu ce vent. C'est Allah qui a voulu ce froid. Enfin, l'insan, il n'a pas à insulter. Il prend les asbab et il tawakkal à Allah. مع هذا الشيخ سعدي قال مع تحريمه أي سحرام et en plus de cela قال فإنه حمق وضعف في العقل والرأي. الحمق c'est la folie, والضعف c'est la faiblesse. أي مثل هؤلاء في الحقيقة ils ont des faiblesses في العقل, dans la raison. لماذا؟ لأن il y a aucune utilité. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que le fait de parler الريح va s'arrêter? أبدا. فالعقل لا يتكلم بكلام سوء et il fait les causes. Maintenant, s'il y a du vent, il peut être en danger, enfin, il se réfugie dans un endroit où il est à l'abri. Bidon le kalam, même le kalam, ça change quoi? Ça change où la chay? Bel, ceux qui insultent la akhri, ils tombent dans le haram. Qala, fa inna al-rih musarrafatun mudabbaratun bitadbirillah wa tasqirihi fassabu laha yaqa' sabbuhu ala man sarrafaha. Et c'est là la gravité. Il y en a celui qui insulte le vent ou la chaleur ou le froid. Hakika, ça revient à insulter celui qui a créé ce vent, celui qui gère toutes ces choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala. قال لولا أن المتكلم بسبب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الأمر أفضع من ذلك ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم. صحيح. Cheikh Saadi fait une précision, elle a si celui qui insulte, ça nie à son intention, ça serait d'insulter Allah, enfin ça serait très grave, c'est du kufr. Celui qui insulte Allah, subhanahu wa ta'ala, ou les actions d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un kafir, bilijma', l'unanimité, que ce n'est plus un musulman, c'est clair. Lakin, comme a dit Cheikh Saadi, al-mu'min, et kathir min al-mu'minin, ils ont un va'fi hada, ils prononcent des paroles très très graves. Lakin, leur nia, c'est pas d'insulter Allah. Enfin, ça reste un péché et ça fait du mal à leur tawhid, lakin ça reste des musulmans. Hada al-khulasa. Na'khud al-bab alladhi ba'dahu, il est simple كذلك. Qala babu qawlillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghayra al-haqq dhanna al-jahiliyya yaquluna hal lana min al-amri min shay? Qul innal amra kulluhu lillah. Wa qawlihi adh-dhannina billah dhanna as-saw عليهم دائرة السوء. هذا الباب قال فيه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الملخص التنبيه على أن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد وأن سوء الظن بالله ينافي التوحيد. هذا c'est très très important pour le mu'min, أن يحسن الظن بربه. في الحقيقة c'est la suite des abwab suivants. لأن celui qui a un husnuddhan billah, est-ce qu'il va se plaindre du qadar? Là. Est-ce qu'il va insulter le temps? Là. Limadha li'anna il sait que c'est Allah qui a décrété, qui gère tout cela. Et Allah c'est le hakim, c'est le khabir. Allah il sait tout. Allah il a une sagesse dans tout ce qu'il fait. Hada dhan al-hasan, ça montre quwwat al-tawhid. Et l'inverse, celui qui a une mauvaise pensée, iyadun billah, il se plaint à la moindre chose. Wala yarda bil qadar. Il est daima fi dhayq wa huzn wa qalaq, hada sa montre sa faiblesse fi tawhid. Qala al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, ay qawluhu yadhunnuna billahi ghayra al-haqq dhanna al-jahiliyya. Qal wal qissatu hasalat fi waq'ati Uhud lamma hasala 'ala al-muslimin ma hasal min idalati al-'adu 'alayhim bisabab al-mukhalafa allati hasalat fi al-jaysh. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحد في غزوة أحد كما تعلمون la bataille de Uhud, il avait ordonné à un groupe de mu'min de rester au-dessus de la montagne, au sommet de la montagne, et pour bloquer le chemin aux mushrikoun, حتى ils attaquent pas le mu'minin par derrière. وحصل ما حصل, بعض الصحابة رضي الله عنهم, ils ont pensé que la bataille elle était finie et ils sont descendus de la montagne. اجتهاد منهم. أما الصحابة رضي الله عنهم لا يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمد أبدا. عن اجتهاد. Ils sont descendus. المشركون, ils en ont profité et ils sont passés par derrière et ils ont fait beaucoup de mal aux musulmans. Beaucoup de morts, beaucoup de blessés. قال لما حصل ما حصل تكلم المنافقون بكلام سيء. هكذا المنافقون. Quand il y a eu cette épreuve, فالمنافقون ils en ont profité. لأن المنافق دائما ينتهز الفرص التي يرى أن فيها غضاض على المسلمين ويستغلها ويفسرها ويكيفها على حسب هواه. وهكذا jusqu'à de nos jours. Quand il arrive quelque chose dans un pays musulman, المنافقون يفرحون جدا. أحيانا c'est une chose, في الحقيقة ça arrive dans tous les pays, لكن quand c'est dans un pays musulman, ils essayent d'aggraver la chose. انظروا هؤلاء. انظروا هؤلاء أنهم يبخطند أت على الإسلام على السنة et regardez qu'est-ce qu'ils ont. Quand la même chose arrive chez les kuffars, لا يقولون شيء. Ça, ça montre حقد على الإسلام. Et il y a quelques jours, في المملكة العربية السعودية, il y a eu une invasion de kafars في الحرم أو des bêtes. من حكمة الله عز وجل. Et ça arrive أحيانا. Et في الحرم في مكة il y avait des bêtes partout. المؤمنون الموحدون الصالحون في مثل هذه الأمور يدس قدر الله وما شاء فعل. C'est rien du tout. Au bout de quelques jours ils ont nettoyé, انتهى الأمر. من كل جهة ils sont sortis dans les réseaux sociaux sur internet et ils ont essayé de démontrer انظروا c'est Allah سبحانه وتعالى qui châtie هؤلاء المجرمون والطعن في المملكة والطعن في حكامها وفي علمائها. لماذا؟ La même chose arrive tous les jours ou des choses beaucoup plus graves في بعض البلدان, que ce soit بلدان الكفر ou بلدان المنافقين ou ولا كلمة إديز. لماذا؟ Vous avez remarqué, ils attendent qu'une chose et يطعن. كذلك il y a quelques semaines ou quelques mois quand il y a eu un vent très très fort في مكة et qui soit où la Kaaba a bougé, elle s'est enlevée une partie. Et le tissu qui entoure la Kaaba. Et pardon, ils ont dit ça c'est le châtiment, ça c'est. Na'oudou billah. Na'oudou billah. On dort tout le khayr qu'il y a dans ce bilan. Jamais le prononce. L'imad, ils n'aiment pas le khayr. Et quand il y a quelque chose, c'est contre le mu'minin, ils appuient dessus, ils essayent de propager. نعم هذا تلوه كذلك بعض الجهال quand ils voient un صالح من المؤمنين سني il fait une petite erreur et ça arrive il attaque et il accuse et propage ربما هم ils font cette chose et beaucoup plus ou des gens ils font des mensaïbes et ils disent rien هذا ça montre بغضن وحقدن عيدا بالله ça c'est من صفات المنافقين. Et à l'époque du prophète, ça s'est arrivé. المنافقون, quand il s'est passé à Uhud ce qui s'est passé, فتكلموا. قال الشيخ فوزان, كلما حصل على المسلمين شدة أو كربة أو ضائقة, فرح المنافقون وجعلوا يفسرونها ويحللونها بأن المسلمين ليسوا على الشيء وأن دينهم ليس بالشيء يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وظن السوء عيادا بالله. Fais attention à هذه الصفات. Et في سورة الأحزاب, la même chose. في سورة الأحزاب, il y a فوائد كثيرة. Quand ils ont été entourés, الأحزاب, c'est la bataille. في الحقيقة, il n'y avait pas eu de combat. لكن ça reste une غزوة. Quand le Nabi صلى الله عليه وسلم حصروه avec les صحابة رضي الله عنهم في المدينة. المشركون والمنافقون واليهود والنصارى. من جميع الجهات, ils sont venus et ils ont encerclé le Medina. Pendant des semaines. Et في المدينة, il y avait des منافقون. Quand ils ont été encerclés, ماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. Tout ce que Allah سبحانه وتعالى et son messager nous ont promis, c'est que des mensonges. الآن on est encerclé, on va tous se faire tuer. Qu'est-ce qu'ils ont répondu؟ المؤمنون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. La même situation, لكن c'est le قلب, c'est le cœur qui est pas le même. قلب الصحابة رضي الله عنهم rempli de إيمان التوحيد, ils ont dit c'est ça que Allah nous a promis et son messager. وصدق الله ورسوله, ils ont dit vrai. Ils ont su que c'est un خير pour eux. S'ils meurent, Alhamdulillah, c'est le martyr et c'est les hauts degrés. S'ils restent en vie, ils auront le dessus, ils n'ont eu aucun doute. Belle, ça leur a rajouté « Imanan wa taslima ». La foi elle est montée et ils se sont encore plus soumis. Ils ont su que c'était la vérité. Et alhamdoulilah, ça a duré une semaine, deux semaines, trois semaines. Et au bout de quelques semaines, c'est fini. Et Allah subhanahu wa ta'ala, juste après Hadil Ghazwa, il a donné le dessus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, al yahoud, fil Medina. C'est une hikmah azima, ça nous montre, sous-dhan, c'est très très grave. Ne crois pas que quand l'Ummah, on est éprouvé, ou des musulmans, on y sont éprouvés, Allah, il ne veut pas notre bien. Et on a des doutes, est-ce qu'on est sur le haq? Là, ça c'est très très grave. La cause, c'est quoi? La faiblesse dans le tawhid. C'est pour ça que le mu'allif, il a cité ce chapitre, Runa. Qala, il a cité la parole d'Ibn al-Qayyim, et c'est une parole nafi'a. قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل نعم ils ont pensé que في غزوة أحد خلاص c'était fini pour les mu'minins alors que c'était une épreuve ils ont été éprouvés après غزوة أحد alhamdulillah ils ont fait beaucoup de batailles et ils ont eu le dessus. Belles ceux qui les ont combattus fait Ghazwat Uhud, kathir minhum, après ils sont entrés vers l'islam. Abu Sufyan et autres, radiyallahu anhum. Et après Ghazwat Uhud, quelques années après, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba, ils ont repris Mecca. Alors que quand il y a eu la Ghazwat Uhud, les mouchrikoun, ils étaient venus de Mecca. Donc ça montre un sou'adhan, c'est très très grave. قال وفسر بالظن من من أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح نعم لأن dernier verset c'est من سورة الفتح المهم tout ce qu'on a cité من كلام الشيخ الفوزان. قال وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. الله il a promis أن هذا الدين يتخيمفخ ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. الله سبحانه وتعالى fait ce qu'il veut. C'est pour ça que dans un autre verset وكفى بالله شهيدا. الله il a promis que les mu'minouns ils auront le dessus. On ne doit pas avoir de doute. Même la situation qu'on vit, l'Ummah a des faiblesses, il a akhir. Awalan, c'est de notre faute. Et thaniyan, viendra un jour, les mu'minin y prendront le dessus. Amma, yadam billah, en profiter pour critiquer l'islam, ou critiquer les muslimin, ou critiquer ahkam Allah, ça c'est yadam billah, mina al-nifaq. قال رحمه الله أي الإمام القيم فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا وويل للذين كفروا من النار. Celui qui pense, ayyadam billah, anna Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas secourir son din, il ne va pas secourir le mu'minin. Ahada, c'est un dhan khatir. Dhanu alladhina kafaru. Ça, c'est, ayyadam billah, dhan al-kuffar. Kathir minhum, ils le disent l'an. Si vous êtes à la haq, pourquoi vous êtes humiliés? Pourquoi dans tel pays ils sont humiliés? Pourquoi vous n'avez pas le dessus? Allah, il a une hikmah. Et tout ça, c'est min qadar ilah. Fait le muslim, husnul dhan billah, et on se soumet au qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on fait les causes. Le problème, il vient de nous. Il ne vient pas de la force des kuffars. Ou parce que notre dîn, ce n'est pas haq. Dans notre dîn, il y a tout pour qu'on ait les dessus. Lakin, le problème, il vient de qui? De nous. Enfin, on a husnul dhan billah, et on se remet en question nous. Et ça, c'est une autre maladie qu'on a citée déjà dans les chapitres précédents. Le problème, il vient de nous, il vient pas des autres. Si on fait des efforts sur nous-mêmes, inshallah, on aura le dessus. Comme a dit Azza wa Jal, in tansurullah, yansurkum, wa yuthabbit aqdamakum. Une condition, limada, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété les choses avec des asbab. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis de nous donner le dessus, la victoire, lakin, il faut faire les causes. C'est quoi la cause? In tansurullah. Ça ne veut pas dire qu'Allah il a besoin de nous, là. In tansuru din Allah. Et si on secoue la religion d'Allah et on fait des efforts, Allah il nous donnera le dessus. Vu qu'on vit une époque de faiblesse, فهنا دي فبلس par rapport aux ennemis de l'islam. قال واكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك الا من عرف الله واسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. La plupart des gens, كما قال الامام ابن القيم رحمه الله, يظنون بالله ظن السوء. لماذا؟ لان c'est un problème dans le cœur. Le seul moyen pour éviter de tomber dans cette mauvaise croyance, il l'a cité. قَالَ وَلَا يَسْلَمْ مِنْ ذَلِكْ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللَّهُ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهُ. La seule solution, de connaître Allah, connaître ses noms et connaître ses attributs. Pas attaché sur les murs, فقط, ou le mushaf, et on ne médite pas. Voilà. Comme on a cité dans des doros précédemment. Là, c'est ilmun et amal. Et ça, c'est min ashraf al-ulum. Connaître Allah, connaître ses noms et connaître ses attributs. Ou l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans ses livres, il a fait beaucoup d'efforts fi hadha al-bab. Qala falyatani al-labib an-nasihu li nafsihi bihadha wal yattub ila Allah wa yastaghfiruhu min dhannihi bi rabbihi dhann as-saw. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. أي se plaindre, ne pas être d'accord avec le qadr. قال وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. أي ça ressemble au bab qu'on a vu précédemment. لو بعض الناس au lieu d'accepter le qadr et faire des efforts et ne pas mettre d'aim la faute sur les autres, sur le qadr, là c'est sur eux-mêmes. Ils sont toujours en train de chercher des excuses. Normalement, il devrait avoir kada kada. Normalement, on aurait dû faire telle chose. Et tout ça, c'est une perte de temps. Qala fa mustaqillun wa mustakthir. Ay nadirun man yaslam min hadha. Bayna mustaqil, ay certains ils ont peu et certains ils ont beaucoup de hadha dhann as-sayyi' yadan billah. Qal wa fattish nafsak hal anta salim. Ça, c'est une faïd azima. فتش نفسك. Regarde pas d'aïm les autres. Les autres, n'aim. Ta'mur bil ma'rouf, wa tana'ani il munkar, tu conseilles autant que tu peux quand tu vois du char. Lakin, ça ne doit pas être notre quotidien d'aïm que ça. Et on s'oublie, nous. Là. فتش نفسك. هل أنت سالم. Ça, c'est muhasabatu nafs, se remettre en question. Dans tous ces abouabs, ne pensez pas qu'on est à l'abri. Et qu'on n'a pas de défaut, et qu'on a compris le tawhid parfaitement, qu'on l'applique dans tout, on a du naqs. Que ça soit fit tawhid, que ça soit dans les autres abwab. Et celui qui va avancer, il a pégad une nasiha. Fattish nafsak. Hal anta salim. Remets-toi en question. Est-ce que tu te plains pas? Est-ce que tu as une bonne pensée? Husnul dhan billah. Est-ce que tu fais des efforts? Est-ce que tu connais Allah? Tu connais ses noms? Tu connais ses attributs? Est-ce que tu peux faire plus? Tu verras que tu vas trouver du dhaaf. Ça fait des efforts. Et ça va t'occuper. قَالَ فَإِن تَنْجُوا مِنْهَا تَنْجُوا مِنْ ذِي عَظِيمَةً وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيَةً. هذا c'est un vers de poésie. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. قال الشيخ سعدي رحمه الله قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا التوحيد حتى يعتقد في جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله وتصديقه بكل ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله وتصديقه بكل ما أخبر به وأنه قال وأنه يفعله وما وعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل فاعتقاد هذا من الإيمان وطمأنينة القلب بذلك من الإيمان أن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه إحقاق الحق أي كل حق يبخوندغ الدسو وإبطال الباطل أن المبطلين العقيقة يسون كفي خسران والعاقبة للمتقين. هذا الاعتقاد سي اوبليغاتوار بور المؤمن. لماذا؟ لان الله عز وجل اخبر بذلك في القران الكريم في السنه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لنود الله سبحانه وتعالى celui qui connaît le sens ça démontre هذا ان الله سي القوي سي العزيز سي الجبار فكيف il aura pas le dessus sur ses ennemis. ابدا. هذا قال وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد لأنها سوء ظن بالله ونفي لكماله وتكذيب لخبره وشك في وعده والله أعلم. كلام جميل تقدم البيان من كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. نكتفي بهذا. Et le prochain dars, on commencera un nouveau bab fi al-qadr.